mesure. Pour tes mecs qui vont me cesser, c'est sûr. Prépare-toi à clure, car c'est du pur et je t'aurai à l'usure. Dans ma team, y'a pas de type. Timide, frustré de la bite. Ici, c'est clean, y'a que des types. Typés qui vont droit au but. Si tu chutes devant moi, négro, je te shoot à coup de schlap. La street m'a endurci et quand je me fâche, man, je suis un schlag sur ce beat. Moi, je te choque tous les MC à la langue pendue. Avec ma bitch, je te fuck, man, dorénavant, tu m'entends. Sorti les rues de clic, clignant, cours une œuvre. Trois, mon flow, une gâchette, clic. Négro, cours vite, sauve-toi. À coup de bas, tu viens briser les blocs avec des rimes qui te choquent, qui piquent. Je suis le mec qui te malmène, couleur choc à pique. Sur cette chienne instrumentale, je suis ce putain de Dr House. Je descends pas de mon piédestal tant que t'auras pas fermé ta mouth. Je suis venu disséquer l'instru à la gorge et qui le cru. Je te fais pas de diplomatie à la George, tu l'as dans le cul. Blouse blanche, cheveux crépus, négro sale d'Haïti. Scientifique dans mes lyrics, personne n'est taille par ici. Paresseux dans le domaine, mais tout le monde sait que j'excelle. Bourré de formules de fonction logique comme sur logiciel Excel. XX, c'est mon style, même si mon logic taille S. Man, pas faire le mec hostile quand je te taille, serre les fesses. En freestyle, mon épée, c'est cette laisse. Un goût amer, amalgame, come again, welcome back. Si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Si t'entends ce putain de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Man, si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Je pousse les décibels avec ma langue de négro sale. Ma couleur pure. Des peines de clash en rap et en tête sale. Si ça t'étonne que mes fucking négros te foutent des cales, c'est que t'as pas assez poussé le sol dans ta putain de salle. Ici c'est bloody bloody money, on te saigne pour la monnaie. Et si descendant tu renais, on te canne parce que c'est vrai, ok. Avec comme arme le mic, comme Bastos la voice. Tu sais c'est qui ton mic, relais-moi un boss de boss. Moodle vaudou magnifique, PC7 l'authentique. Supaga c'est ma team, amalgame voilà ma clique. Je le dis again que Moody c'est le négro sale d'Haïti. Pas besoin de clé, ça gagne personne de taille par ici. Des lyrics dans la bouche, j'attire les meufs. Plein la fouf, y'a pas de test, ma force de frappe, car c'est des flammes que je crache. Ma piste c'est du kérosène, en rue méchant, est plein le zen. Soigne-toi au fixe de mes lyrics, puis reste zen. Si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Si t'entends ce putain de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Man, si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Là, c'est PC7 gros, je vois mon blaze en gras et qu'on kiffe mes phases sans gros, sans gras. Car j'en fais pas trop, contrairement à 95% du beurrage. Viens avec mes flots, mes phrases et mes idées, mais aussi avec mon crew, mon âme et mes pensées. Comme tu l'entends, ce son est pas nous, mais du coup je me sens obligé d'être bon et franc. PC7 équipé d'amalgame, notre but c'est conquérir les âmes et dénoncer votre âme quotidien sans faire les putes, bien sûr. C'est du bon son, je t'assure, et par ailleurs je t'assois. Car ma vie est la tienne et que mes dires te côtoient. 93-230, donc je revendique mon 9-3. Je prétends pas être son ambassadeur, mais juste un représentant. Sur ce son, avec honneur, je mets mes mots et mon ton. Et même à fond, au fond, je parle avec mes poings et frappe avec mes mots. Esprit sain, et pourtant mes faux pas m'ont fait mal, car personne ne baisse de 9-3, même avec la dalle. Même avec la si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Si t'entends ce putain de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Man, si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici. Si t'entends ces putains de sons, c'est qu'Haïti est toujours ready. Si t'entends ces putains de vibes, c'est que le Sénégal est ici.